14h-15h, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Cela fait des semaines que les pilotes se préparent à relever ce grand défi, le défi suprême des aviateurs de cette fin des années 20, traverser l'océan Atlantique, le traverser sans escale. Charles Nungesser, 35 ans, un as de la Grande Guerre, et François Colly, 11 ans de plus, et qui, de son côté, a fait ses preuves dans l'escadrille de guerre des coqs. Nungesser et Colly, donc, ont choisi de relever le gant pour la beauté de l'exploit, en quelque sorte pour la gloire. Rendez-vous compte, le français Louis Blériot a le premier traversé la Manche en 1909. Le français Roland Garros a le premier franchi la Méditerranée en 1913. Alors pourquoi pas deux pilotes français pour vaincre l'Atlantique, ce qui est tout de même une autre affaire. Notons-le d'entrée de jeu, dès l'origine, la presse s'est emparée du sujet. Elle l'a suivi, elle a exalté cette affaire, l'a vampirisée. Nos deux pilotes n'en ont cure, ou en tout cas, ils feignent de ne pas s'y intéresser. Ils se concentrent sur leur exploit, ils se préparent, chacun à sa manière. Nungesser pratique la boxe, vous savez, c'est un sportif accompli. Il se fait masser régulièrement pour entretenir sa forme physique. Quant à Colly, lui s'entraîne surtout à ne pas dormir, parce qu'il a une petite tendance à piquer des poids parfois. Alors, il reste volontiers 2 jours consécutifs sans dormir sur un bateau au large de Marseille pour s'entraîner. Leur appareil a été baptisé l'Oiseau Blanc et il a été préparé à Toussus-le-Noble dans le plus grand secret pendant presque un an. Le souci des techniciens qui travaillent sur ce projet fou, bizarrement, c'est le décollage qui va être une opération délicate pour cet avion surchargé de carburant et de tout ce que peut réclamer un vol aussi long. Le plus difficile, ça va donc être de franchir au départ du Bourget, la Morée, la rivière locale, et puis une rangée d'arbres, celle de la route des Flandres, qui mène vers la Padoie de Gonesse. Nungesser est assez rassurant sur la question. « Nous pourrons décoller », dit-il. L'Oiseau Blanc a 14,60 m d'envergure et une surface portante de 60 mètres carrés. Ensuite, nous dirigeons vers l'Angleterre, le canal de Bristol, l'Irlande. Nous suivrons ensuite le 54e parallèle jusqu'à Terre-Neuve. Il s'y voit déjà, Nungesser. Tout se décide le samedi 7 mai 1927. Depuis plusieurs jours, la presse annonce l'imminence de la traversée. Le décollage doit se faire le lendemain. De bon matin, l'avion qui se trouvait à Villacoublay depuis plusieurs jours pour des essais a été transféré au Bourget. Ce jour-là, Nungesser s'est arrangé pour déjeuner comme par hasard avec sa mère, seulement pour éviter qu'elle ne se ronge les sangs. Il ne lui a bien sûr pas dit qu'il allait partir le lendemain. Et même il la rassure en lui promettant d'être présent quoi qu'il arrive pour son anniversaire à la fin du mois. L'anniversaire de Madame Nungesser doit intervenir le 30 mai. Nungesser et Colly prennent connaissance de la météo annoncée pour le lendemain. Excellente situation, leur dit-on. Pendant les 2000 premiers kilomètres, vous aurez même des vents favorables qui vous pousseront. Les navires signalent également une dépression un peu avant Terre-Neuve. Les deux hommes se disent que ça doit pouvoir marcher, ils sont fous d'impatience. Et voilà le dimanche 8 mai 1927, date historique, il est tôt, il fait encore nuit, une nuit bien noire. Et dans le ciel, on n'en devine pas moins des nuages menaçants et même à l'horizon, parfois, vous savez, des petits éclairs. Ça n'augure rien de bon tout ça, mais Nungesser et Colly sont optimistes, on parle d'orage local. Le public est venu, nombreux, autour du hangar de la 14e escadrille du 34e régiment d'aviation. Quand je dis le public, les gens sont triés sur le volet, on est en smoking et robe du soir, malgré l'heure matinale, il faut dire qu'on ne s'est pas couché de la nuit. Et parmi les invités, il y a là Yves Mirande, Dranem, le boxeur Carpentier, justement Tristan Bernard, Maurice Chevalier, Mistinguette, hein, vous voyez. Et puis tout l'état-major des militaires de haut rang, etc. Les pilotes sont parés pour le grand départ. Nungesser, devant tout le monde, demande à Colly « Tu es prêt ?»« Je suis prêt », répond Colly. Nungesser insiste « Tout va bien !» Colly a à peine le temps de répondre que Nungesser lance « Alors qu'on sorte le zinc !» L'avion s'extirpe du hangar militaire, on aperçoit cet appareil si blanc, orné des cocardes tricolores et d'une tête de mort. Je vous ai dit son nom déjà, l'oiseau blanc. Il pèse à vide près de 2 tonnes, les moteurs sont en tandem, hélice tripale, un moteur de 450 chevaux. On fait le plein de carburant, 2800 litres d'essence, 80 kilos d'huile. Dans l'avion, les vivres et les appareils de sauvetage ont dû être réduits au minimum, naturellement. On a mis là 3 boîtes de thon, une boîte de sardines, 1 kilo de sucre, des biscuits au chocolat, 12 bananes, 2 litres de café, 1 litre d'alcool. Et pour faire plaisir à Colly, un canot pneumatique avec des lignes de pêche, c'est lui qui dit « pour se nourrir au large de Terre-Neuve en attendant les secours ». Pas de radio, ni de parachute, ni le vide-vide des réservoirs d'essence en cas d'atterrissage forcé. L'objectif, c'est d'alléger tout ça le plus possible, poids-plume, comme dirait Ningesser, adepte de la boxe. Les deux hommes montent à bord, ils portent des combinaisons chaudes de couleur jaune, des bottes fourrées. Ningesser se met à la place du pilote, c'est lui qui est à l'avant. Colly va faire office de navigateur, donc à l'arrière. Un soldat leur donne les dernières prévisions météo, épais brouillard à Terre-Neuve, un orage sur l'Atlantique. Réaction de Ningesser, bon, nous passerons plus au nord. Le moment est venu de dire au revoir. Charles s'adresse au général Giraud, qui était son chef pendant la guerre. « Mon général, nous ne reviendrons peut-être jamais, mais vous direz que nous avons bien préparé notre raid et que nous avons tout fait pour réussir. » Il ajoute « Nous réussirons, je le veux. Allons, partons. » Il est 5h18 quand le moteur est mis en route. Vous imaginez les hélices qui se mettent à tourner. Ningesser met progressivement les gaz avant de faire un dernier salut au public. Il se met à pleuvoir à ce moment-là, puis il y a toujours ces satanés éclairs dans le ciel. Le décollage, vous savez que c'est le moment que tout le monde appréhende. Ça se déroule pas trop mal. Pendant 650 mètres, l'appareil roule sur le gazon. Premier bond, il retombe sur le sol. Un deuxième bond, il retombe encore. On est à 200 mètres de la morée. On imagine Ningesser qui tire à fond sur le manche, évidemment. Il l'avait dit, l'important, c'est le décollage. Ça fonctionne. À 5h21, l'oiseau blanc s'élève et il va passer sans difficulté la ligne des arbres. Pour la première fois, deux hommes tentent donc de joindre par les airs Paris à New York. Ils vont tenter de réussir la traversée dans le sens le plus difficile, en raison des vents violents qui sont contre eux. Au bout de quelques minutes de vol, à quelques kilomètres du Bourget, on est à Écouen, Ningesser largue son train d'atterrissage. C'est une des particularités de l'avion, on largue carrément le train qui va s'écraser un peu plus bas. 6h45, ils sont entre Étretat et Caudebec. L'avion est à une altitude de 400 mètres. 6h48, ils passent au-dessus du cap d'Antifère. C'est le dernier point du territoire français. Jusque-là, l'avion était accompagné de toute une petite escadrille d'avions de plaisance qui étaient là pour l'accompagner. Les avions font demi-tour. Et maintenant, ça y est, l'oiseau blanc est tout seul au-dessus de l'océan Atlantique. Europe 1, 14h-15h. Au cœur de l'histoire. Nous revenons à votre récit, Franck, sur Ningesser et Colly, parti à la conquête de l'Atlantique. Peut-être que je vous les présente un peu. Qui sont-ils, ces deux bons hommes? Avant d'être aviateur, Ningesser était cavalier, comme beaucoup d'aviateurs de l'époque. Il était né en 1892, le 15 mars 92, à Vincennes. Ses parents étaient originaires du Nord. Ils ont émigré vers l'Argentine. C'est là-bas, d'ailleurs, qu'il a passé son bac, qu'il a appris à conduire, qu'il a appris aussi, parce qu'on est dans la pampa, à manier un lasso. Et de retour en France, il devient donc cavalier dans l'armée française. Cette cavalerie qui est un petit peu l'antichambre des aviateurs de l'époque. Le 2 septembre 1914, c'est le tournant de sa carrière. Il monte avec deux camarades un guet-apens contre les Allemands. On est au tout début de la guerre, 2 septembre 14, vous imaginez. Il y a là quatre officiers allemands, dont un colonel, des hommes qui préparaient une partie du plan de contre-attaque allemande après la première victoire des Français sur la Marne. Ils circulent dans une morse, une voiture allemande, sur la route de Coucy-le-Château à Laon. Et il y a un passage à niveau qui a été baissé exprès, et là c'est un vrai traquenard en fait qui a été monté par Ningesser et par ses camarades. Ils sont trois, les Français. Ils abattent les officiers, ils les dépouillent de leurs uniformes, s'emparent de leurs papiers. On est en pleine zone ennemie quand même. Bon, c'est, bref, c'est un exploit, et évidemment on demande à Ningesser ce qu'on peut faire pour le remercier, et il demande à devenir aviateur. Lui, il va le demander un petit peu plus tard, pour tout vous dire, et c'est comme ça qu'il entame sa carrière dans l'escadrille numéro 65. En 1918, à la fin de la guerre, il aura 45 victoires homologuées. Il est le numéro 2, vivant après le célèbre Fonck, bien entendu. Sa croix de guerre comporte 28 palmes et 2 étoiles. Vous voyez le genre de héros de guerre, tout simplement. Ningesser est auréolé de toutes ses victoires lorsqu'il émigre tôt après la guerre aux États-Unis. Il est un homme reconnu. C'est là qu'il va devenir le saltimbanque de l'air, vous savez. Il, or, organise ces fameux meetings où on reconstitue sous les yeux d'un public américain ébahi des combats de la guerre de 14 avec des faux avions allemands, des faux avions français. Ça fait de la fumée dans le ciel. On tire avec des mitrailleuses chargées à blanc. Enfin bon, c'est formidable. Il devient acteur en quelque sorte. D'ailleurs, je ne croyais pas si bien dire puisqu'il va tourner pour Hollywood dans un film qui s'appelle The Sky Raider, qui est un immense succès qui va faire de lui une véritable star. Le film sort en avril 1925 et évidemment la silhouette de Ningesser, son visage, hein, il est blond aux yeux clairs avec une cicatrice de guerre au visage, ça, il devient un homme extrêmement célèbre. C'est un homme qui en plus a un caractère incroyable, hein, il aime se battre autant avec ses poings qu'avec son sabre, dans les airs avec sa mitrailleuse Lewis, enfin bon, vous voyez le genre de héros de l'époque. Et en 1923, il a du reste épousé une riche héritière américaine, une jeune femme brune, romanesque, bref, ils sont pendant tout un moment le couple le plus envié des États-Unis. Ça va pas durer puisqu'ils le divorceront dès 1926. C'est très Hollywood tout ça finalement. Ningesser veut donc se lancer dans cette aventure de la traversée de l'Atlantique. Alors il réfléchit aux conditions particulières que ça demande. Il faudrait des conditions météo favorables évidemment, un avion au moteur sûr qui soit pas trop rapide afin de ne pas avoir à emporter trop de carburant. Il faut faire toutes sortes de calculs. Bien entendu, Ningesser veut pas entendre parler d'un hydravion. Il sait très bien qu'il ne pourrait pas réussir ça tout seul. Il lui faut, pense-t-il en tout cas, un excellent navigateur. Alors aux États-Unis, on lui propose de faire équipe avec un aviateur américain pour traverser cet Atlantique Nord. Seulement, il refuse Ningesser. Il veut que l'exploit appartienne entièrement à la France. Du reste, il tient beaucoup à partir du territoire français. « Je quitte l'Amérique en bateau », a-t-il dit à son frère Robert. « J'y reviendrai en avion ». En France, toutes les portes des constructeurs d'avions lui sont closes, disons-le. Il n'a pas du tout la même aura finalement qu'aux États-Unis. Enfin bon, on connaît le peu d'enthousiasme d'un certain nombre d'avionneurs français. Enfin quand même, Levasseur et la société Lorraine vont lui proposer un avion spécial au départ destiné à la marine française, avec cette particularité du train d'atterrissage dont je vous parlais, qui va les obliger à amerrir, si l'on peut dire, sur un plan d'eau à l'arrivée. Le gros problème de cet appareil, c'est l'envol, je vous l'ai dit. Il faut arriver à décoller avec relativement peu de carburant à bord, mais tout de même, il est lourd cet avion, hein, je vous l'ai dit. Il doit mettre 44 heures, c'est l'estimation qu'on a faite pour traverser l'océan à une vitesse moyenne très réduite, hein, de 180 km/h. Le constructeur exige que Ningesser emmène donc ce fameux navigateur et il va choisir Colly. Ils se sont rencontrés en 1926. Alors François Colly a toujours, lui aussi, rêvé d'exploits aéronautiques et notamment de traverser l'Atlantique. Il y rêve depuis 1924. Et pour réussir ce rêve, il a fait toutes sortes de calculs. Lui, s'est beaucoup renseigné sur les conditions météo de l'Atlantique, sur les dépressions, les anticyclones, la direction des vents, la formation des brumes et que sais-je. C'est un homme un peu plus âgé, je vous l'ai dit, hein, Colly. Il est né en 1881. Il est marseillais, lui, d'origine. Il a aussi fait la guerre, où il a perdu un œil d'ailleurs. Il a réussi en tant que pilote la traversée de la Méditerranée dans les deux sens en 1919 avec un record de distance en ligne droite entre Paris et Kenitra. Kenitra, ça se trouve à 40 km au nord de Rabat, donc au Maroc. Ningesser et Colly, disons-le, et ça va jouer un rôle, ne sont pas les seuls à vouloir tenter cette traversée, et d'autant moins qu'on a lancé un défi. Vous savez, c'est le mécène américain d'origine française Raymond Orteig qui a créé le prix Orteig, qui doit réserver 25 000 $ à qui accomplira l'exploit de traverser l'Atlantique d'une seule traite. Alors, il y a Fonck parmi ceux qui tentent l'aventure, hein, le célèbre as de la guerre de 14. Lui, il était trop chargé, son avion va s'écraser en flammes le 20 septembre 1926, avec d'ailleurs, il va tuer son navigateur, hein, Chamberlain et Levine, Bird, enfin il y a un certain nombre de Maurice Drouin également qui vont essayer de faire cette traversée. Il y a aussi un Charles Lindbergh qui commence à y songer sérieusement, mais pour l'instant on ne le connaît pas celui-là. Or, évidemment, à partir du moment où il y a défi, c'est une belle aventure à raconter. Vous imaginez que la presse est là, qui suit de près les diverses tentatives, et notamment celle de Ningesser. Moins de 48 heures après le fameux décollage sur fond d'orage au Bourget, Une nouvelle se répand dans Paris. On est au soir du 9 mai 1927. On est donc un lundi soir. Un avion trace un N de feu dans le ciel. C'était le signe qu'on attendait. Cette France qui, la première, avait vaincu la Manche, la Méditerranée, vient de vaincre l'Atlantique. On arrête partout les représentations dans les music halls, les théâtres. Un homme annonce que les Français Nungesser et Colly ont réussi la traversée. Mais d'où vient-elle cette extraordinaire nouvelle? Elle vient du journal La Presse, dont l'édition spéciale annonce en très gros titre « Nungesser et Colly ont traversé l'Atlantique ». La maman de Nungesser est heureuse, elle savait pas bien, mais elle savait quand même, elle avait fini par apprendre que son fils était parti. Elle installe un drapeau sur son balcon, boulevard du Temple. Son garnement de fils qui, à table l'autre jour, s'était bien gardé de lui annoncer son départ, vient donc d'entrer dans la légende. Il est 22h. Oui, sauf que les heures passent et que dans cette nuit du 9 au 10 mai 1927, il faut se rendre à l'évidence, l'information n'est pas confirmée. En vérité, il n'est pas certain du tout que l'oiseau blanc ait survolé Cap Hess, qu'il ait été aperçu à Terre-Neuve, encore moins à Newbury et à Boston. Et pourtant, c'est bien ce qu'avaient affirmé les dépêches. À 1h45 du matin, l'agence Havas reçoit un câblogramme de New York, je cite « Oiseau blanc, absolument aucune nouvelle de Nungesser, stop. Les milieux aviation sont maintenant convaincus que l'avion fut contraint d'amerrir en plein océan. » Et à 2h35, nouveau câblogramme reçu par Havas. « Ce soir, à l'heure du coucher du soleil, aucune nouvelle n'est encore parvenue à Terre-Neuve, stop. On émet hypothèse, oiseau blanc améri grand banc, recueilli par bateau pêche dont aucun n'a la TSF, ce qui signifierait encore 2 à 3 semaines sans nouvelles des aviateurs. » Mais alors, pourquoi a-t-on annoncé cette bonne nouvelle? Qu'a-t-il bien pu se passer? En Ferrand sur Europe 1. Nous revenons à la suite de votre récit, Franck Ferrand, sur la tentative d'exploit de Nungesser et Colly. Alors j'ai sous les yeux, j'ai ouvert le bel album de mon ami Christophe Bourseiller à la page qui est consacrée à cet événement. Et vous voyez deux unes de la presse, celle de l'après-midi qui dit « L'Atlantique est vaincu en vue de New York ». Donc déjà la presse s'avançait. Et alors après vous avez la terrible une qui a fait un tel scandale, « Les heures d'or de l'aviation française ». Et en gros, Nungesser et Colly ont réussi les émouvantes étapes du Grand Raid à 5h. Arrivé à New York, etc. Comment ce journal a-t-il pu annoncer cette nouvelle? Eh bien, écoutons ce qu'en dit l'auteur de la fausse nouvelle. Il s'appelle Georges Rayon et j'ai retrouvé son témoignage dans un numéro d'avril 1961 d'Histoire pour tous. Rayon écrit « Le récit de l'arrivée triomphale à New York de Nungesser et Colly, dont j'ai le regret, mais non la honte, d'être l'auteur irresponsable, tout de même, ne constituait qu'une fausse nouvelle. Ce n'était pas un bobard. » Quand même, voilà ce qu'on lisait dans l'édition du soir du 9 mai. 5h, New York, donc lorsque l'avion de Nungesser apparut au-dessus de la rade de New York, le commandant Foulois, chef de l'aviation maritime de chasse, s'était porté à son devant avec une escadrille et dès que l'oiseau blanc fut en vue, les sirènes des bateaux mugirent et les bâtiments hissèrent le pavillon. De nombreuses embarcations de plaisance s'étaient portées au large de la baie, ainsi que plusieurs avions militaires du service postal et civil, ces derniers loués par les agences cinématographiques et les grands journaux. L'amérissage se fit dans des excellentes conditions et l'appareil fut aussitôt entouré de nombreuses embarcations tandis que plusieurs hydravions le survolaient à basse altitude, etc., etc. On se dit mais c'est du délire complet quand même. Et c'est ce qu'on pouvait imaginer, mais ça n'est par définition pas l'événement puisque l'avion ne l'a jamais vu arriver quand même. Cette traversée enfiévrait tous les esprits, comprenez le bien, dit pour se justifier Georges Rayon. On en suivait les préparatifs minute par minute. À la presse, Henri Decoing, qui ne songeait pas encore au cinéma et dirigeait la rubrique sportive, s'abandonnait seul au scepticisme que justifiait la vitesse et le rayon d'action de l'oiseau blanc auquel les deux aviateurs avaient confié leur chance. Une fois l'avion lancé, toutes les salles de rédaction du monde vivaient dans l'attente de nouvelles. Elles vinrent nombreuses, très nombreuses. Trop nombreuses, nous dit Georges Rayon. Au cours de la journée du 9 mai, nombreuses sont en effet les dépêches qui signalent que l'avion a été identifié à divers points de l'Atlantique par des cargos de diverses nationalités qui ont câblé immédiatement, bien entendu, avant de faire état des postes de Terre-Neuve et de signaler l'avion de le passage de l'oiseau blanc au-dessus des côtes américaines. C'est très important, ça d'ailleurs, je vais y revenir dans un instant. Et vous imaginez bien que dans toutes les rédactions, et notamment dans la rédaction du journal quotidien La Presse, on rêve du scoop. Le rédacteur en chef de La Presse a dit à ses équipes « Mes enfants, ils ont gagné. Il s'agit de gagner à notre tour. Il faut que nous sortions avant tous les confrères et que nous jetions 500 000 exemplaires sur le pavé. » Vous savez, à l'époque, il y a les crieurs de journaux. Hein. « Ce sera enlevé en un quart d'heure. Mais il importe de rouler, c'est-à-dire d'envoyer les presses, dès que la dépêche annonçant l'arrivée passera le nez hors du téléscripteur. En conséquence, mijotez-moi sans plus attendre un Américain aux petits oignons. » C'est ce qu'il a fait, Rayon, il a bien entendu le message. C'est le plus jeune de l'équipe, alors c'est peut-être pour ça qu'on lui a confié ce rôle-là d'ailleurs, peu importe. Il a lui-même quelques inquiétudes sur le fait qu'on puisse peut-être pas franchir aussi facilement l'Atlantique, mais il faut avancer. À 17h15, l'édition spéciale est en vente et dans beaucoup d'endroits, on se bat pour l'acheter. C'est un triomphe pour la presse. Effectivement, il avait bien vu son coup, là, le rédacteur en chef. Les 500 000 exemplaires sont partis en un quart d'heure. Sauf que ça va bientôt tourner au drame. Georges Rayon nous le dit, le fâcheux fut que l'heure suivante n'amena aucune confirmation de la merveilleuse nouvelle. Et là, on commence à se demander si le journal n'aurait pas commis un impair, plus qu'un impair, une gigantesque gaffe. Quand on apprend que l'information est fausse, alors là, le journal est consterné. Et il faut se dire que le public, on va faire des tas avec le journal, la presse, hein, avec cette édition, et on brûle le journal sur la voie publique. D'ailleurs, c'est bien simple, le dernier numéro paraîtra en 1928, un an plus tard. Alors, que s'est-il passé et pourquoi cet avion n'est-il pas arrivé? Ben ça, à l'heure où je vous parle aujourd'hui, c'est encore, en tout cas pour un certain nombre des experts qui se sont bien sûr très nombreux penchés sur la question, c'est encore une énigme historique. On attend le 11 mai pour lancer des recherches sur les côtes de Terre-Neuve, puisque Charles Ningesser l'avait dit à son frère Léon, il lui avait dit « Même si tu n'as pas de nouvelles pendant plusieurs jours, ne t'inquiète pas, nous réussirons. » Donc on ne lance les recherches qu'avec du retard, aucun indice. La seule chose qu'on va retrouver, c'est le fameux train d'atterrissage qui a bien été largué. Pour le reste, on ne sait pas grand-chose. Les conditions météo n'étaient pas bonnes. Il y a eu des orages importants sur l'Atlantique les 8 et 9 mai. Le brouillard était énorme au-dessus de Terre-Neuve et il était très élevé. Alors bientôt, on a des témoignages des deux côtés de l'Atlantique, notamment l'un des plus importants de ces témoignages. Il a été relevé par Marcel Julian, le célèbre Marcel Julian, vous savez, qui était passionné d'aviation. Ce témoignage, il a modifié la vision qu'on pouvait avoir de cette affaire. Je vous en parle dans un instant. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Et nous revenons à votre récit, Franck Ferrand, sur la tentative d'exploit de Ningesser et Colli. Oui, je vous parlais donc de cette découverte de Marcel Julian. Il a eu le témoignage d'un petit mousse basque qui naviguait en 1927 sur un navire transportant vers les États-Unis de l'alcool prohibé. Ben oui, on est en pleine prohibition. Vous savez, c'est Boardwalk Empire à l'époque. Hein. Et il se souvient, ce gamin, que son capitaine a tiré sur un avion qui survolait le bateau à l'aide d'une mitrailleuse dissimulée à bord. Le capitaine pensait que c'était un avion des douanes, vous voyez. Et donc, ça pourrait être l'explication de ce qui s'est passé. Il y a des témoignages qui ont été recueillis à Saint-Pierre-et-Miquelon et qui font état d'un grand avion blanc qui aurait été aperçu le 9 mai 1927. Des témoins rapportent également avoir entendu des coups de feu. Alors là, ce serait l'hypothèse de contrebandiers qui se seraient en quelque sorte prémunis. Pour les descendants de Ningesser, et particulièrement, vous savez, pour le célèbre Roland Ningesser, qui a disparu il y a 3 ans maintenant, l'oiseau blanc aurait en vérité bel et bien réussi la traversée. Et il s'appuie pour le dire sur un témoignage d'un trappeur qui était parti pêcher le 9 mai 1927 et qui assure avoir vu passer au-dessus de lui, à Terre-Neuve, un avion qui avait fait grand bruit et puis ensuite il avait vu de la fumée dans la forêt. En 1987, Roland Ningesser explique que plusieurs années auparavant, les habitants des environs ont raconté avoir retrouvé un très vieux modèle de moteur, une boucle de harnais, un étui à cigarette, modèle très en vogue chez les pilotes français. Enfin voilà, il y a eu d'autres hypothèses. Nous allons y revenir dans un instant avec Christophe Bourseiller. La seule chose qu'il faut que je vous dise, c'est que 2 semaines après ce fameux drame, l'Atlantique a bel et bien été vaincu. Mais il a été vaincu, vous savez, dans l'autre sens et par un Américain, par le célèbre Lindbergh. C'était le 20 mai 1927 et Lindbergh volait sur le célèbre Spirit of Saint-Louis. Bonjour Christophe Bourseiller. Bonjour Franck. J'ai un petit peu débordé, pardon, mais je voulais quand même dire que cette affaire est restée un grand mystère. Il y a eu énormément d'hypothèses. Oui, y compris des hypothèses conspirationnistes selon lesquelles des gardes-côtes américains auraient tiré sur cet avion. Pour que ce soit pas un Français. Pour que ce soit justement Lindbergh qui remporte voilà. En quelque sorte la coupe et qui traverse l'Atlantique le premier. Donc, on a vu les Américains en faire d'autres en même temps. Hein, pourquoi pas après mais tout. Pourquoi pas, tout est possible. Les tests sont multiples. Ce qui nous intéresse particulièrement évidemment aujourd'hui, c'est cette gaffe de presse absolument, cette catastrophe, cette hécatombe journalistique. Oui, Qu'est-ce qui s'est passé dans la rédaction de la presse ce jour-là? C'est d'autant plus dommage que la presse, si vous voulez, c'était un très vieux journal qui avait été fondé en 1836 par Émile de Girardin et qui était un journal qui se voulait sérieux. Vous savez, la presse au début du XXe siècle est dominée par des quotidiens un peu très populaires, très rigolos comme le Petit Journal ou le Petit Parisien. Et puis alors, vous avez à côté la presse qui, elle, voulait un journal un peu anglo-saxon, imitant le Times de Londres, qui pour beaucoup de journalistes était une sorte de modèle. Donc c'est d'autant plus loin, triste. Hein. Vous savez que dans la presse, par exemple, Gérard de Nerval, Théophile Gauthier ont été journalistes. À une autre époque. À une époque, c'est évidemment au XIXe siècle. Donc c'est d'autant plus regrettable que ce titre qui professait un grand sérieux se soit laissé abuser par de fausses dépêches. Alors c'est vrai qu'en même temps, vous avez eu tout à fait raison de souligner cet aspect étrange, c'est la précision des fausses dépêches. Alors c'est vrai que là, les Américains n'ont pas aidé les Français, parce que c'est vrai que les Américains étaient en concurrence. C'est vrai qu'il y avait une part là, peut-être de malveillance. Enfin, il y a sûrement eu un certain nombre de paramètres qui sont entrés en ligne de compte. D'autant plus que vous n'avez peut-être pas souligné ça complète ce que vous disiez, mais Nungesser était un type qui était un peu décrié aussi. Ça c'est ce que vous expliquez vous dans votre texte, qu'il avait besoin de cet exploit. En fait c'était un peu, vous savez, Nungesser faisait partie de ces gens qui avaient fait sa vie pendant la guerre de 14. C'est-à-dire que c'était, vous savez, les héros de guerre, et lorsque la paix est revenue, ils ne savent plus quoi faire, il n'y a plus de guerre. Il devient le saltimbanque du ciel, ce qui n'est pas formidable finalement. Alors il crée des sociétés qui se cassent la figure, il fait parler de lui, mais il mène grand train, mais comme un playboy mondain. On parle plus de lui dans la presse, entre guillemets, people de l'époque, que dans la presse sérieuse. Il épouse une riche héritière, Consuelo, mais enfin, ils vont se séparer, elle en a marre. C'est pas la Consuelo de Saint-Exupéry, non, c'est une autre Consuelo. Alors évidemment, grâce à elle, il va ouvrir une école de pilotage qui va faire faillite. Enfin, vraiment, c'est un type qui se cherche, Nungesser. Et donc, il a pas une image formidable. On sent une grande passion quand vous parlez de la presse, des journaux. Aimez ça, la presse écrite? Bah oui, parce que vous savez, ça c'est vraiment, c'est un livre qui recouvre une grande partie de ma vie. Vous savez, je suis un archiviste fou. Et depuis que j'ai 10 ans, je vais au kiosque tous les jours pour acheter des journaux, pour rechercher. Vous savez, je suis le type qui demande au kiosquier, derrière, là-bas, je vois un journal que je n'ai pas. Est-ce que vous pouvez me le donner? Donc, ce qui fait que j'ai une très, très grande collection de journaux qui s'élargit, bien sûr, aussi à la propagande, aux tracts, aux affiches, aux autocollants, tout ça. Votre domaine de spécialisation. Mon domaine de spécialisation. Mais c'est vrai que j'ai une très grande collection de journaux. Et en fait, ce livre est né de cette folie que j'avais, cette envie que j'avais de mettre en avant l'histoire du monde, finalement, en tout cas depuis que la presse existe, d'ailleurs depuis Louis XIII, jusqu'à aujourd'hui. Ce qu'il y a de fascinant avec la presse, et moi c'est la raison pour laquelle, contrairement à vous Christophe, j'ai tendance à m'en méfier beaucoup bien sûr, mais c'est qu'elle est dans l'immédiateté. Et on se rend compte là, bon ça c'est un exemple extrême avec Nungesser et Keoli, mais qu'elle peut être même carrément dans l'erreur. Et pour cause, puisqu'elle n'a pas le recul du tout. Hein. Mais c'est formidable. Je trouve que plus les journalistes se trompent, plus c'est formidable, parce que les journalistes ne sont pas des historiens. Donc un journaliste, il est dans le feu de l'action. Vous savez, il y a ce journal moi qui m'avait totalement fasciné, que j'ai mis dans ces 101 de la presse, c'est le Petit Parisien du 31 janvier 1933. La veille, Hitler est venu au pouvoir. Le Petit Parisien dit « Ah bah oui, petite information quasiment reléguée dans un coin de la première page. Monsieur Hitler est venu au pouvoir, mais comme il est allié avec des conservateurs, il ne devrait pas appliquer son programme et il risque de se modérer. » Donc tout va bien. Par contre, gros titre, alors une boulangère de 79 ans a été assassinée aux Ulysses. Donc là, gros titre. Vous voyez, évidemment, donc on peut se moquer aujourd'hui de ce titre. En même temps, c'est un peu facile, puisque c'est très facile, mais à l'époque... Ça nous rappelle ça, et j'ai l'occasion de le dire souvent à ce micro, mais ça en fait une de plus. Ça nous rappelle qu'au moment où les événements sont vécus, ceux qui en sont les acteurs, évidemment, n'ont pas comme nous la vision de ce qui est à venir. Et en même temps... Ça, c'est très important de l'avoir toujours à l'esprit, sinon on ne comprend pas le comportement d'un grand nombre d'acteurs de l'histoire. En même temps, vous avez parfois, c'est parfois palpitant. Par exemple, j'ai tenu à mettre Paris Presse l'intransigeant de Hiroshima. Et vous savez, Paris Presse l'intransigeant titre, il y a un bombardement inhabituel près de Tokyo. Vous savez, c'est très angoissant, c'est beau, parce que les Américains n'ont pas dit ce que c'est. c'était. On l'a deviné que c'était probablement une bombe atomique, que c'était quelque chose d'épouvantable. Mais il y avait ce doute, cette angoisse qui traversait. Vous voyez, donc j'ai voulu. On voit apparaître comme ça, petite porte, un certain nombre de figures, d'événements qui ensuite vont devenir de très grands personnages ou de gros événements. Vous avez sélectionné quelques-unes. Il y en a une là du 7 février. Alors je l'ai, il faut que je retrouve. Oui, c'est le Populaire. C'est dans tout simplement le journal socialiste de l'époque. Le coup de force fasciste a échoué, dit le Populaire. Alors effectivement, et là on peut peut-être se poser même des questions, est-ce que finalement on peut faire un parallèle audacieux, vous savez qu'il y en a beaucoup qui le font, entre 1934 et 2014, où finalement aujourd'hui on voit ressurgir des ligues, on est dans un contexte après une grave crise économique et financière qui était celle de 2008, alors qu'à l'époque il y avait la crise de 29, donc on était en 34, donc il y a des parallèles, donc effectivement on peut observer des ressemblances. Il y a le vieillissement de la population, aujourd'hui en France, qui est une réalité. À l'époque, ce vieillissement était dû à la guerre de 14, qui avait décimé toute une génération, mais aujourd'hui il est dû à l'évolution des conditions de vie, mais enfin vieillissement de la population, crise idéologique, donc il y a des points communs. Et puis des différences. Importante quand même. Très importante, notamment le fait d'abord que le 6 février 1934, il y a eu 25 morts et plus de 2000 blessés, alors que là récemment nous avons vécu une sorte de jour de colère, souvenez-vous, fin janvier, avec des émeutes, enfin une certaine violence de ligue. Enfin, il n'y a pas eu de morts, fort heureusement. Et vous appelez ça une violence de ligue, vous iriez jusque-là? Oui, parce qu'on a vu ressurgir en France des phénomènes de ligue, récemment, c'est vrai, c'est indéniable. Et puis, mais en revanche, il faut dire aussi qu'à l'époque, la France, je vous le rappelle, enfin vous le savez mieux que moi, était entourée de dictatures. Nous n'avons pas, heureusement, à nos portes ni l'Italie fasciste, ni l'Allemagne nazie, ce qui était le cas, évidemment, en 1934, des États totalitaires qui entretenaient des ligues sur le sol français. Et en même temps, on peut dire que, alors c'est vrai que les circonstances, le contexte sont parfaitement différents, mais le climat est assez proche. Tout à fait. Et l'attitude de la presse aussi, c'est intéressant cet article-là du Populaire, parce que c'est un article totalement engagé. Ça n'est pas du tout, là on n'est pas dans la presse qui se contenterait comme Le Temps ou comme La Presse, justement, de décrire les choses. Tout à fait, moi j'étais très surpris par la virulence du Populaire, le quotidien de Léon Blum, qui dit que la police doit tirer, c'est-à-dire qu'il appelle, c'est rare qu'un journal, en plus de gauche, appelle à la violence publique. Dit qu'il faut que la police tire sur les manifestants. Il y a là quelque chose d'assez troublant. Alors, je feuillette, évidemment. Après ce 6 février 34 vient le 4, en tout cas l'édition de Paris Soir du 4 septembre 1939. Ah, oui. Alors là, ça c'est terrible parce que on voit cette une. Depuis ce matin 11h, l'état de guerre existe entre la Grande-Bretagne et le Reich. Façon très polie d'annoncer les choses. Alors, si vous voulez, moi, ce qui m'a beaucoup frappé dans cette une, qui est, je crois, une une de Paris Soir, c'était le contraste qu'il y avait avec la une que j'avais trouvée du Petit Parisien de 1914. C'est-à-dire, à l'époque, en 14, c'était vraiment la ferveur patriotique. On y va, on va les buter, tous ces Allemands. Et en 1939, c'est l'angoisse. Ce journal suinte l'angoisse. D'ailleurs, il n'y a eu aucun combat, vous êtes d'accord. C'est juste, c'est abstrait, la guerre. La guerre est déclarée. Voilà, tout est très abstrait. Et pourtant, il y a déjà en première page de ce journal, des consignes de sécurité, alors qu'ils sont alors du style remplissez une bouteille hermétiquement close de 2 litres d'eau et toute personne suspectée de pillage sera passée par les armes. Alors qu'il ne sait rien. Donc vous voyez, c'est comme si la presse anticipait l'exode, anticipait la défaite, alors qu'on n'est qu'au tout début. Oui, on sait déjà à quoi s'en tenir. Oui, c'est terrible. Les 101 qui ont fait la presse de Christophe Bourseiller, c'est aux éditions Les Beaux Jours. Europe 1, au cœur de l'histoire. Vous nous parlez aujourd'hui, dans Cœur de l'Histoire, Franck Ferrand, des plus grandes unes de la presse avec votre invité Christophe Bourseiller, journaliste et écrivain, auteur des 101 qui ont fait la presse aux éditions Les Beaux Jours. Alors Christophe, je continue de feuilleter. Il y a cette une de Paris Match incroyable, 27 août, ça tombe bien, on est dans l'ambiance. 27 août 1949, on voit la célèbre Svetlana, la fille de Staline, qui était une espèce de star mondiale à l'époque. Et alors, elle est très très peu habillée. Elle alors, est même carrément nue. La star mondiale, c'était Staline, évidemment, oui, à l'époque. Oui. Svetlana était beaucoup moins connue que lui. Alors, il faut se mettre dans le contexte de l'époque. C'est carrément peut-être un des pics de la répression stalinienne. Il n'y a jamais eu autant de monde dans les goulags. Il y a des procès tous les jours. La dictature bat son plein. Et à ce moment-là, Staline essaie de courtiser l'Europe occidentale dans le dessein de la découpler des États-Unis, dont elle est l'alliée. Et donc, il commence à y avoir des livres qui sortent, notamment un livre que je possède, je me souviens, qui s'appelle la Russie évolue, d'un nommé Lieb. Lieb, c'est l'amour en allemand. Et alors qui explique que la Russie est devenue un grand pays démocratique, que c'est devenu très moderne, que tout le monde est très heureux. Et dans ce contexte, Paris Match se fait le vecteur, un peu complice peut-être, mais en tout cas involontaire, de la propagande stalinienne qui va dire bah, finalement le meilleur moyen d'humaniser Staline, c'est de montrer sa fille. Ça, c'est les Soviétiques eux-mêmes qui ont eu cette idée. C'est évident, oui. Bien sûr, ça peut venir que des Soviétiques. Ils ont fait semblant d'avoir récupéré des espèces de clichés plus ou moins volés, en fait. Il n'y avait pas de paparazzi, vous pensez bien, en Union Soviétique, surtout sous dans Staline. L'entourage de Staline. Bien sûr. Et alors donc, c'est une très jolie fille. Donc les Russes ont fait sortir des photos d'elle où elle est soi-disant à la plage, mais c'est filmé de telle façon qu'elle a l'air de faire du nudisme. Donc elle est très dénudée, ravissante. Et il faut savoir que Svetlana Alilouyeva, puisque c'est son vrai nom, aurait eu un destin terrible parce que sa mère s'est suicidée. Et elle est amoureuse d'un comédien qui est plus âgé qu'elle. Elle a 20 ans, il en a 40. Staline n'est pas d'accord. Et donc Staline envoie au goulag le comédien. Vous voyez hop, comment ça marche, ces choses-là. Et elle aura un destin incroyable, puisque en fait, plus tard, cette femme va abandonner son mari et ses deux enfants en Russie pour aller vivre aux États-Unis sous un nom d'emprunt, Lana Rivers, et qu'elle mourra assez récemment, dernièrement, il n'y a pas très longtemps, aux États-Unis, dans une autre vie, le destin incroyable de la fille de Staline. Alors, elle donnera plus tard, après la mort de son trop célèbre père, elle donnera pas mal d'interviews, évidemment, aux États-Unis, en France aussi, où elle racontera qui était Staline, comment il est mort, elle aura son point de vue, d'ailleurs, un peu particulier sur la question, etc. Mais à l'époque, bien entendu, comme vous le dites, personne ne la connaît. Vous dites Paris Match est un complice involontaire de l'entreprise de propagande soviétique. Mais quand même, on a une qui est carrément mise en scène avec, les mots sont là, exclusivité mondiale. Il y a bien la volonté de vendre du papier quand même. Paris Match est toujours prêt. Enfin, c'est normal, ça fait partie du journalisme. C'est un peu comme la presse tout à l'heure qu'on a évoqué à propos de Nagesser et Colli. Paris Match est prêt à tout. Quand Mao meurt, Paris Match fait une extraordinaire. On a l'impression que c'est un journal religieux, que Mao est Dieu et que Dieu est mort. Enfin, on a cette impression-là. Enfin, et effectivement, à cette époque-là, on cherche un peu le regard critique sur la fille de Staline. Alors, vous nous avez dit tout à l'heure que vous collectionnez toutes sortes de coupures de presse, tous les magazines ou les journaux possibles. Alors, on a bien entendu les journaux quotidiens classiques, les journaux d'opinion, ce que nous avons vu avec le populaire, les magazines, entre guillemets, people, etc., mais qui sont des magazines d'actualité, hebdomadaires, et puis aussi un certain nombre d'organes de presse, alors là plus spécialisés, et j'ai trouvé très intéressante la double page consacrée à Détective du 29 mai 1959. Il faut expliquer ce que c'est que Détective. Parce que ça, là vous savez, j'ai tenu à mettre dans ce livre que j'essaie de rendre un peu exhaustif, aussi des journaux très légers comme alors Nous Deux, le premier journal de romans photo, Salut les copains, enfin des journaux de toutes sortes, et puis Détective. Alors Détective était un journal qui est assez extraordinaire, qui racontait des faits divers comme si c'était des romans. C'est-à-dire que je pense que on pourrait, avec la collection complète de Détectives, nourrir une émission sur Europe 1 qui pourrait durer des années. On raconterait. C'est une bonne idée. C'est une très bonne idée. Où on raconterait des faits divers absolument incroyables. Et Détectives avait une autre particularité la plus visuelle. C'est que Détectives, donc il y avait les récits, et puis il y avait le poids des mots et le choc des illustrations de Di Marco. Alors Di Marco est un extraordinaire illustrateur de presse qui faisait une sorte d'illustration quasiment réaliste, mais en même temps réaliste et très drôle. Enfin, c'était un peu une illustration gore, on pourrait dire. Et alors là, le numéro que j'ai choisi... 59, donc. 59, c'est un numéro très particulier, parce que c'est un numéro dans lequel donc Di Marco fait le portrait robot d'un tueur qui s'appelle Guy Trébert, et qui est le tueur de la pleine lune. Donc un type qui assassine les vieilles dames à la pleine lune. Une sorte de serial killer de vieilles dames de l'époque. Mais alors, ce qui est très important, c'est qu'en fait, Di Marco a fait ce dessin sur la base d'un portrait robot communiqué par la police, et que grâce à cette une de Détective, Guy Trébert, l'assassin, a été arrêté. Mais ça, c'est inouï, parce qu'on a l'impression d'être aux origines de ce phénomène très nord-américain d'une télé qui travaille avec les services de police, etc. D'ailleurs, il y a une espèce de bandeau qui barre la une et qui dit « Retrouvez cet homme ». L'idée, c'est aider les forces de l'ordre à identifier le bonhomme et à le retrouver. Vous savez, dans la presse, il y a de tout. C'est-à-dire que la presse est très complexe c'est pluriel. Alors vous avez des journalistes qui ont une forte éthique professionnelle et heureusement qu'ils sont là. Et puis vous avez ceux qui sont prêts à tout vraiment. Et alors détective était plus de ce côté-là, c'est-à-dire s'il faut travailler avec la police, ça n'a aucune importance. On est, ils étaient. Donc vous savez, il y a d'autres. Par exemple, j'ai mis également les premiers journaux de la presse People, la plus trash. Ça relève aussi du même phénomène. Enfin, la traque des stars à tout prix. J'ai mis notamment le premier numéro de Voici, bien sûr, mais j'ai aussi été pêché un journal beaucoup moins connu, encore pire, si je puis dire, qui s'appelait Vois ça. Alors, Vois ça, c'était les stars nues. Ouais. Donc, voilà, il fallait trouver les stars nues les partout. Célébrités nues, alors là, les célébrités nues. Les célébrités nues. Donc, vous voyez, effectivement, on peut aller très loin avec dans tous cet enfoncement. Tous les trucages possibles. Bah, la presse n'est pas toujours glorieuse, il faut bien le reconnaître. Hein. Alors, juste, quand on est juste après Vois ça, tout à fait. On a deux unes qui sont restées célèbres, dont on peut dire qu'elles sont historiques de Libération. Avec l'une, c'est Tankman, qui se trouve sur la place Tiananmen, là, qui retient tous ces chars chinois en 89. Ouais, et puis, la même année, évidemment, la une du 11 novembre 1989 de Libération, avec le mur de Berlin franchi. Ça nous rappelle tous des souvenirs, évidemment. Et c'est une de Libé en pleine photo, là, comme ça. Elle ponctue, finalement, l'actualité. Elles sont devenues un rite. Ah ben, Libération, c'est très important dans l'histoire de la presse, si vous voulez. Parce que avant Libération, vous aviez deux types de journaux. C'était très classifié. Vous aviez des journaux satiriques, avec des unes très drôles, avec des jeux de mots, et puis la presse d'information qui titrait Libération de la France, etc. Et Libération va tout à coup utiliser ce style satirique à la grande presse, c'est-à-dire que tout à coup les unes de Libération vont être basées sur des jeux de mots, des images, des choses comme ça, alors qu'en fait c'est un journal très sérieux. Donc Libération, c'est vrai, va faire évoluer l'editing, comme on et dit, puis, de la presse. Et ça, c'est la partie la plus noble de tout ce que vous nous montrez, puisque je pense que nos auditeurs auront compris qu'il y a absolument tout ce que la presse apporte de bien et de mauvais dans ce livre. C'est la très célèbre une du Nouvel Observateur, le 5 avril 1971. Alors, on a cette couverture noire avec écrit en lettres qui partent du jaune clair pour aller vers le rouge, la liste des 343 Françaises qui ont le courage de signer le manifeste, entre guillemets, je me suis fait avorter. Absolument, ce qu'on a appelé également le manifeste des 343 salopes. C'est comme ça qu'elle même à l'époque se désignait par antiphrase, en quelque sorte. Alors, c'est un manifeste qui avait été écrit par Simone de Beauvoir et qui s'inscrit dans ce grand mouvement de l'après 68 qui est le mouvement de libération de la femme. Et à partir de 68, d'ailleurs, j'ai tenu à ce que dans mes 101 de la presse, il y ait aussi tous ces journaux qu'on trouvait dans les kiosques, mais qui venaient de cette nouvelle presse underground de l'époque. Et notamment, j'évoque par exemple le Torchon Brûle, qui est le journal du mouvement de libération des femmes, du MLF, qui était évidemment prémonitoire de toute cette révolution. Et alors là, ce qui est assez drôle, c'est que par rapport à ce numéro du Nouvel Observateur, c'est que le Nouvel Obs, qui était vraiment à l'image de ce qu'est la presse, le reflet d'une époque qui change, en fait, sans recul historique sans doute, mais en même temps, c'est important parce que ce sont ces objets-là qui bâtissent l'histoire et qui servent de relais aux historiens. Alors le Nouvel Obs, si vous voulez, ce qui est assez drôle, c'est que dans la liste des femmes qui avaient signé, beaucoup ne s'étaient pas fait avorter, mais elles ont tenu à mettre leur nom. Et ce sont des femmes fort connues, Catherine Deneuve, Marguerite Duras, enfin beaucoup d'autres, des femmes de grandes actrices, de grands écrivains, qui ont tenu à exister dans ce mouvement qui, à l'époque, balbutiait. Les 101 qui ont fait la presse, c'est donc aux éditions des Beaux-Jours, par Christophe Bourseiller. Est-ce que vous pensez, Christophe Bourseiller, que dans un siècle, on pourra faire les 101 du 21e siècle? Est-ce que la presse n'est pas condamnée à s'amenuiser? Je pense que la presse est condamnée à s'amenuiser. Alors, on verra jusqu'à quel point, on verra la tournure que prendront les événements, parce que les signes sont un peu contradictoires, et l'avion n'a pas tué le chemin de fer, la télévision n'a pas tué le cinéma, le cinéma n'a pas tué la radio, enfin, etc., etc. Donc tout semble encore possible. Néanmoins, on a l'impression aujourd'hui que effectivement les titres de presse se raréfient. Un ami rédacteur en chef de télévision qui me dit, quand je lis mon journal le matin dans le métro, j'ai l'impression que les gens me regardent comme si j'étais un dinosaure. Mais moi c'est pareil, quand je lis un livre dans le train, je suis seul à lire un livre au milieu de gens qui n'ont que des tablettes. Donc voilà, nous sommes peut-être les derniers dinosaures, Franck, d'une époque révolue, mais enfin, on s'accroche. Oui. Assez joyeusement en plus. Hein. Les dinosaures ont encore quelques beaux restes. Oh, bah oui. Ils n'ont pas l'intention de... Un peu d'énergie. Voilà. Alors, en plus, on peut dire que peut-être que les supports peuvent évoluer, mais que la presse, elle, restera. C'est-à-dire qu'après tout, la tablette, c'est aussi un support, mais vous n'êtes pas... Non, si, la tablette, c'est aussi un support. Simplement, les choses sont différentes. C'est-à-dire que, regardez Mediapart ou Rue 89, il n'y a pas de une. Il n'y a que des pages avec des informations que l'on va glaner. Donc, on a ces informations, c'est déjà fondamental. Mais évidemment, il n'y a pas le même plaisir goûtu de feuilleter le matin et de toucher le papier. Et bien voilà, c'est ça. Vous savez qu'en Grande-Bretagne, les maîtres d'hôtel repassent les journaux pour qu'ils soient plus agréables à feuilleter. Là, c'est le raffinement suprême. Je voulais citer, avant de vous remercier, Christophe, je voulais citer l'enquête de Bernard Decret et Vincent Montgaillard, publiée chez Artaud, qui s'appelle « L'oiseau blanc, l'enquête vérité ». C'est justement ce que je n'ai pas eu le temps de faire, moi, tout à l'heure, un travail très fouillé pour essayer de comprendre ce qui a bien pu arriver à Ningesser et Colly en mai 1927. Cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à la question de Séverine qui nous l'a envoyée sur la page Facebook de l'émission, qui voudrait que vous reveniez sur l'origine de l'expression « avoir pignon sur rue ». C'est assez évident comme réponse et en même temps peut-être pas tant que ça. Le pignon, bon ben ça vous savez ce que c'est que le pignon, hein, c'est la partie du mur d'une maison qui a cette forme triangulaire et qui supporte bien entendu les principaux éléments de la charpente. Donc c'est le triangle de façade en quelque sorte parce que justement à partir du 14e et surtout du 15e siècle, on a installé ces pignons le long des axes, le long des rues. Alors quand vous allez dans certaines villes du nord, quand vous allez à Arras par exemple, c'est très frappant. Alors à Amsterdam n'en parlons pas, la ville entière est conçue de cette manière, vous avez des espèces de kilomètres de façade où vous voyez les fameux pignons, alors qu'ils portent différents noms selon la forme qu'ils ont. Peu à peu et par extension, le pignon s'est devenu toute la façade et avoir pignon sur rue, bah évidemment, ça voulait dire que vous étiez suffisamment bien lancé dans votre ville, que vous aviez un commerce suffisamment établi pour avoir vous-même une belle façade sur la rue. C'est-à-dire que vous étiez très visible et que vous faisiez partie, en quelque sorte, des notables locaux. Vous aviez pignon sur rue. Voilà d'où ça vient. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tout ça a changé vers la fin du XVIIe siècle, puisque il y a eu, vous rappelez-vous, j'avais raconté ça en septembre 1666, l'immense, le violent incendie de Londres et qu'on avait accusé les pignons de bois d'avoir été à l'origine de la propagation des flammes. Et il y a en France cette ordonnance de police du 18 août 1667 qui interdit les pignons de bois. On en gardera néanmoins l'expression, bien sûr, et on continuera à avoir pignon sur rue.